Plus important dans la vie, c'est que mon son soit percutant. Qu'est-ce qu'il y a? Ce que je raconte est dégoûtant. De mèche avec la honte, prends mon pied à écraser les débutants. Demain j'irai chercher du taf, j'ai tout pour pas en trouver aussi. Mais moi des baffes, faut me réveiller, je suis cloué au lit. Bon, je forme ma forêt. Je vois des gens, je fais des drôles de soirées. Enfin, comme tout le monde, j'ai la dalle, j'ai faim. Je veux des biatchs et des Big Mac d'enfoirés. Putain, je crois que je suis resté à l'écart trop de temps. Bédave, trop de plantes, à teaser trop de clans. Je vis dans ma tête quand je suis avec des humains, je deviens bête. Je me mets à faire du rap et je me la pète. J'ai un flow de malade, donc en gros, je me balade, cousin. Je suis un coq, je parade, je passe le salam, cousin. Copicole sera dépassé dans 2 ou 3 mois. Faut qu'on picole et que je réfléchisse avec mes autres moi. Faut mieux être seul que trop accompagné. Quand je fais mes corps sur internet, je veux une pute à mon panier. J'écume un peu trop les sites, alors j'ai mal à mon poignet. J'ai perdu du temps et je voudrais savoir comment en gagner. Je suis dans l'air du genre, l'air du genre. Plus important dans la vie, c'est que mon son soit percutant. T'as pas l'air content, l'air content, l'air content. Qu'est-ce qu'il y a? Ce que je raconte est dégoûtant. Tu me connais pourtant. De mèche avec la honte, prends mon pied à écraser les débutants. Demain j'irai chercher du taf, j'ai tout pour pas en trouver aussi. Mais moi des baffes, faut me réveiller, je suis cloué au lit. Dans l'air du genre, l'air du genre, l'air du genre. Plus important dans la vie, c'est que mon son soit percutant. T'as pas l'air content, l'air content, l'air content, l'air content. Qu'est-ce qu'il y a? Ce que je raconte est dégoûtant. Tu me connais pourtant. De mèche avec la honte, prends mon pied à écraser les débutants. Demain j'irai chercher du taf, j'ai tout pour pas en trouver aussi. Mais moi t'es pas faut me réveiller, je suis cloué au lit. Écoute ça, surtout si t'es saoul. Si comme moi les artifices ont pris tous tes sous. C'était pour me sentir en vie sans m'oxyre. Même si j'en crevais d'envie, maintenant j'évite les proxys. Quand j'arrive en ville, les putains de cassos m'intoxiquent. Quand je retourne dans mon village, les campagnards m'applaudissent. Je suis un MC exilé, mais tu sais que j'en vaux 10. Toujours en train d'exhiber mes couilles et ma grosse bite. Ok, c'est la hesse, je m'arrache. Place des mots arabes, fait Bélec. Je marche avec les démons de ma race. J'en place une pour tous les gars du quartel. On est tous éparpillés, mais on est tous immortels. Pareil qu'faut dédicacer, même si ça m'intéresse pas. Je fais mes sons, je fais mes bails avec mon frère SK. Big up à l'Erco, c'est du rap lourd et chrome. Mais c'est du local et on maintient le cap vers le sommet. Je suis dans l'air du genre, l'air du genre. Plus important dans la vie, c'est que mon son soit percutant. T'as pas l'air content, l'air content, l'air content. Qu'est-ce qu'il y a? Ce que je raconte est dégoûtant. Tu me connais pourtant. De mèche avec la honte, prends mon pied à écraser les débutants. Demain j'irai chercher du taf, j'ai tout pour pas en trouver aussi. Mais moi des baffes, faut me réveiller, je suis cloué au lit. Dans l'air du genre, l'air du genre, l'air du genre. Plus important dans la vie, c'est que mon son soit percutant. T'as pas l'air content, l'air content, l'air content. Qu'est-ce qu'il y a? Ce que je raconte est dégoûtant. Tu me connais pourtant. De mèche avec la honte, prends mon pied à écraser les débutants. Demain j'irai chercher du taf, j'ai tout pour pas en trouver aussi. Mais moi t'es pas faux, me réveiller, je suis cloué au lit. We'll be right back.